liberté, égalité, va te faire niquer. L'incognito au mic, c'est danger, je viens représenter. Donc c'est violent, c'est cœur 6-2-400. Teste pas ou je casse tes dents. Sauf freestyle, le 62 est présent. C'est pour les frères qui galèrent. Sarkozy, Nicolas, va te faire enculer avec tes lois. Matricule 6-2, j'encule les flics et les fisteux qui sont rentrés dans le cercle vicieux. C'est Momo l'incognito, celui qui nous est putain facho. Et ouais, poto, fais mes tests pour. C'est le NORD en pole position. Teste pas ou attention. L'album faut tu pécho mon pote. Seul contre tout, c'est pas du rap de salope. Soul freestyle, c'est la France qu'on choque. Quand on prend le match, c'est pour un bout d'une mise à mort. Rap à corps pour les gros et parce que les mises adorent. L'île, tout zéro et ma sur la bande son. Bonzo, le marais qu'en otage sans vouloir de rançon. Quand on prend le match, c'est pour un bout d'une mise à mort. Rap à corps pour les gros et parce que les mises adorent. L'île, tout zéro et ma sur la bande son. Prends le marais qu'en otage sans vouloir de rançon. C'est l'île, tout zéro et ma en featuring. Bizarre, les MC ont comme une featuring. 9-1-6-2, le cocktail est inflammable. On sait de la vallée quand je tire, c'est imparable. Comme mon t-shirt, un produit de banlieue. Dans la zig comme toi, je m'introduis, mais en mieux. Rafale, Eric, à l'appel, moi, la cachette facile. Des liasses qui s'empilent, gros, moi, c'est ça qui me fascine. Rêve de gros gamos pendant que les métrophiles. Sans thune, on est mort, mais l'état est nécrophile. Arrête de rouspéter, ou je te mets à rouspéter. La vérité sort de la bouche des gosses ou des boucles pétées. Cousin, c'est mort, viens pas tester les gars de Paris. Si tu sens lourd malgré mon petit gabarit. C'est l'île 12, tu reconnais le style par excellence. Faire la course au disque en deux, je fous par excellence. Quand on prend le match, c'est pour rien d'autre qu'une mise à mort. Rap à corps pour les gros et parce que les mises adorent. L'île tout zéro et mal sur la bande son. Bonsoir le marais qu'en otage sans vouloir de rançon. Quand on prend le match, c'est pour rien d'autre qu'une mise à mort. Rap à corps pour les gros et parce que les mises adorent. L'île tout zéro et mal sur la bande son. Prends le marais qu'en otage sans vouloir de rançon. 2-0-0-9, accroche la ceinture. J'arrive, j'explose les murs, j'nique cette putain de censure. Momo l'incognito, l'île doute du 9-1 au 6-2, la connexion trop dangereuse. Viens pas tester le produit. Je reconnais ces moments la tuerie. Quand je poche, détruis tous les faux MC qui font que le rap devient merdique. Je fuck la tectonique et tous les PD qui ont la crête au-dessus de la tête. Je fuck les fachos et 6 depuis de Sarko. Quand je pose de l'underground, je démolis tous les produits commercialisés. Moi, ce que je sors, c'est dindé. Y'a pas de place pour moi à la télé. Je vais avec les moyens du bord pour sortir des albums. Et pour qu'on me dise Momo, t'es un vrai bonhomme.